y'a plus d'arico pour les parigots. Normal qu'on est pas réglo. La vie est glauque, alors je parle à mon glock. Ici des keufs, y'en a plus disparu. Quand je pète une taille, personne goûte à tous nos disparus. Je veux voir les troisième doigts se hisser. Quand déboule mon convoi, c'est les mecs qu'on convoitise et convoitise. Je balance la tuerie, mon but en featuring, rime sur rime. Je reste positif comme mon test d'urine. Je suis garçon haineux quand je vois le ticard cerné. Mec, je baisse les gars jusqu'à l'eau, même les yeux cernés. Rap brut, tu de ma pute, pute. Faut pas que ça s'ébruite, mec. Ta chérie, c'est ma pute. Nique tout, j'attends pas le déclic pour fuck ta clique qui sert d'écrit le script. Henri dit un district, district. Dans l'immédiat, je râle immédiat. Je suis pas un mec sans pas besoin de médecin. Moi, j'ai une haine irrémédiable. Je marche pas avec des mecs qu'on les couilles silicone. Et dis pas, wesh la femme. Alors ça fait 10 secondes qu'on se connaît. Chacun pour sa poire, faut savoir sur qui compter. Car ici, l'amitié, on l'a mise à poil. Je suis seul dans mon errance, je pense que mes amis savent. C'est à la confiance qu'on me fiance. Ma vengeance est un plat qui se mange chaud. Mes amis, je peux plus les compter, je suis devenu manchot. Franc dans mon récit, hardcore dans ma lessive. Cousin, dès que je tourne le dos, mon oreille siffle. Dans mon camp, j'ai mis les sentiments sur la touche. Rien que des crasses, j'ai mis les salamis sous la douche. J'attends aucune aide de personne, mon à tout le monde. Qui sert, c'est le mec qui opère seul. Moi t'as de potes et moi en tant cul. Là d'où je viens, c'est chacun pour soi, donc je représente mon cul. Mes acolytes, racketteurs, bagarreurs, alcooliques. De France banlieue, on est tous piégés comme un colique. Rien à piger à part savoir comment faire le blé. Le prendre sans demander s'il te plaît. Car la lutte est sans merci, sans pitié ni pardon. Et si tu trouves du shit partout, je suis un chien de la casse qui fuck Brigitte Bardot. C'est pour ma voyeucratie, pour SOS racisme, pour mon Wesson Smith, ainsi que pour les jolies miss. 9-1 là où je réside, là où on tape la récite. Mauvais signe, tu veux tester ton arrêt. Je suis pas le bon genre, pas bon chic, bon genre. Pas le sourire quand je dis bonjour. Sur le peloton d'exécution quand t'entends on joue. Et Sarko, à croire que t'as des comptes à régler. J'parie qu'au collège, tu te mangeais la hagla. Envoyer des CRS, fera qu'envenimer les choses. N'empêchera pas mes cailles de traîner au rez-de-chaussée. Tu joues les musclés alors que t'es tout sec, toi. Même mon pote Baba, on est plus français que toi. Ici y'a pas que des U-voix, faut que tu te renseignes. Quand ça crame, ça t'arrange pour les présidentielles. Pour toi c'est corsé, tu flippes d'aller en Corse. T'es tellement con que même ta femme a divorcé. Sarko, Sarko. 80 districts, c'est le western, ambiance terne, où les keufs laissent jamais leur flingue au bestiaire. 9-1-7 heures sur le globe terrestre, Mars du Graal et les restes. Même en survêt claquette, on a trop de style. On veut la recette, des bonnes recettes sur 7, nos majeurs dressent. On trace pas un recel, le cœur chaud comme la braise. Quand je te dis c'est cool, c'est cool, le shit c'est cool, chacun baisse ses coups. Mais quand même, on dit vite comme si cool. Pas de blabla, moi je parle pas, je t'étonne pas. Si dans la rue ton fiston m'appelle papa. Plus de temps de dormir, du trop de rage en nous sommeil. Pendant que les jeunes ont le seum, consomme, disfum, leur seul calcium. Le monde est sale, alors je prends garde, on met un regard. Les salopes d'aujourd'hui seront les merdes de demain. Sous-cellé en banlieue, rien d'autre à visser, dit ma cave. Mon cas s'aggrave comme le trou de crâne dans mon crâne. Joue pas le mec qui pèse, alors t'as rien dans les fous. T'as jamais de shit, jamais de club, jamais de plus, jamais de feuilles. Sur les galops, t'étonne pas qu'ils te restent le cul de joint. T'as même pas de portable, si par hasard on cherche à joindre. Chaque fois que je te vois, tu me dis paye-moi si paye-moi ça. Mes skins dans tes poches, une massa qui pue moisi. Arrête de te plaindre, mec, va ton taf fait à l'usine. Même les petits peu de fiches, tu les grattes. Putain, j'hallucine. Quand les keufs te fouillent, on se rend compte que t'as tout ce qu'il faut. En fait, attends que tout le monde rentre chez soi, faire ton perso. Salopard, t'es le roi du bluff. Tu fais style, t'invites ta meuf au resto. En vérité, c'est elle qui bluffe. J'suis sûr que tu traînes avec nous par intérêt. Tu mets les gens en galère, même ta banquière c'est enterré. Rien que t'es endetté, wanted dans toutes les villes, BD. La crevardise dans les dotés. Rien que ça mitraille, ton rôle est en deuil. Trop d'amis trahis dans ma vie, on m'a jeté tant d'œil. Tenteur de la poisse, posté sur la place. Ma team est nourrie à base de rimes basmatiques. Ce soir ta meuf est pas là, je l'invite à dîner. Mon disque d'or car je fais trop de grasse matinée. On est trop cru nous, pas là pour crâner. On baisse le créneau avec une touffe au crâne rasé. Je te zigouille net, défoncé ou net. Si t'aimes pas long bitch, juste ma zigounette. 16 mesures à la rage, l'enculé de sa race. Même au milieu du Sahara, y'a du sky dans la carafe. Y'a de la rime bien raffinée, foutez le bordel quand ça filme. Donnez au boulot de la paraffine. C'est pour mes qu'un fris chinois et calaï. Je veux peser mais comme Gabi je m'indique au calaï. On dissère les rimes et les bolos. Long bitch en assos, toujours au P même en solo. MC, arrêtez vos sottises. On est venu défoncer le rap à jeun ou sous-10. Criminel au mic, on laisse le rap dans le coma. C'est pour les homies connards, qu'on conne ça. Qu'on conne ça. Qu'on conne ça. J'attends pas de lauréat. Je veux voir Le Pen avec des auréoles que L'Oréal. C'est que je le vaux bien comme L'Oréal. Ta morale, chante pas d'une chorale, pas de doctorat. Faut du monde, fais gaffe à l'entaille dans le doctorat. J'ai les poches trouées, donc j'enfile le tri. Trop de faux éparpillés, faut que je fasse le tri. À force d'aboyer, j'ai crassé mes boyaux. Pour l'avenir, je touche du bois, mes proies finissent broyées. Donne-moi une bibine, j'embobine ta copine. Trop de babouine, queen, babi. Je me lèche les babines. Dans ce couplet, langue de dimpune. Quand je rappe, hein, les jaloux, ça m'atteint plus. J'arrose un bain de sang, balance un florescent qui se repère dans la foule comme un survêt fluorescent. Nique les skins et leur sourire de l'ange. Carbure aux substances, monde de louche mélange. Tous dans le délire de dealer, accro de dollars. 9-1, on a une femme d'aleux. Coupe mon chipard, guess quand le chipard. Dans l'heure, dans le groupe, pas de branleur. Des mecs aux allures de vandale. J'te bousille le beat, fonce des sous-robes. J'mens jamais en chourant sur la vie de ma run. 91 district, notre code se pose vite. 91 district, tu viens blindé, tu repars les poches vidées. Mode de vie de barbare, sur le parpaing. Les keufs sont armés, alors mets le pare-balles. J'ai les crocs d'un castor, d'ici faut qu'on se tire. Fidèle comme Castro, MDP 91 firme. C'est du rap sale, j'marche seul, pas d'âme sœur. Il faut des Yepika en esquivant les Hemsa. C'est la banlieue, ça pas la Westside. Fuck le CSA, c'est ça non. J'suis pas dans un lieu sain, j'suis pas un clep. J'refous les psys, pour les langues de pute, j'leur souhaite une crise d'épilepsie. Ici ça frappe, c'est comme au Kawan, y'a plus de one à one. C'est Dawa ici alors, fais Dawa le spleen.